Je suis très impressionné. Muscu de beauf que les bras les pecs. Ta voiture va très vite, ok. Ta montre coûte une blinde, super. Pourquoi t'es en retard, bâtard. Bâtard, t'es riche pour rien, super. Tes enfants sont infects, ok. Ta femme c'est une tempe, super. Ton rêve c'est mon cauchemar, bâtard. Bâtard, t'es riche pour rien, super. Muscu de beauf que les bras les pecs, ok. Deux smics dans une paire de baskets, super. Un jour t'as mis une droite à un mec, ok. Tu bois du champagne dans un jet, super. T'es en soirée, tu connais des stars, super. T'as plein de vêtements dans un grand placard, ok. Story un buggy dans le désert, ok. T'aimes les stations balnéaires, super. Ok, super, ok, super, ok, ok, super. Ta femme est très vulgaire, ok, super, ok, super, ok. Tu soulèves tes haltères, ok, super, ok, super, ok. Tes vêtements coûtent très cher, ok, super, ok, super, ok. Tu connais des stars mais te connaissent up, ok, super. Tu te balades en ville avec beaucoup de sacs, ok, super. Tu baisses beaucoup, tu brises beaucoup de cœur, ok, super. T'as donné un petit surnom à tes followers, ok, super. Ça fait longtemps que j'ai tiré un trait sur les bonnes meufs, ouais. Et passe trop de temps dans la salle de bain, relou. Plus de pétasses, plus de messages, ouais. Plus de problèmes dont j'ai pas besoin, relou. Art contemporain, flingué, station balnéaire de beauf. On peut te faire acheter n'importe quoi. T'as les mêmes goûts qu'une maman bourgeoise. Te prends coup de tir parce que tu te fais banane. Ils font 30 fois la marche, tu flippes pour tes bagages. Te décevoir madame, qui t'a fait croire que c'était pas naze. J'dis pas que c'est bon d'être riche, j'dis comment t'es riche et nul. Avant t'étais un fils de pute, maintenant t'es un fils de pute avec des thunes. Ok super, ok super, ok ok super. Ta femme est très vulgaire, ok super, ok super. Tu soulèves tes haltères, ok super, ok super. Tes vêtements coûtent très cher, ok super, ok super. Ok super, ok super, ok ok super. Ta femme est très vulgaire, ok super, ok super. Tu soulèves tes haltères, ok super, ok super. Tes vêtements coûtent très cher, ok super, ok super. Tu connais des stars mais te connaissent up, ok super. Tu te balades en ville avec beaucoup de sacs, ok super. Tu baisses beaucoup, tu brises beaucoup de cœur, ok super. T'as donné un petit surnom à tes followers, ok super. Ok super.